Alors, le livre s'intitule Marcher, méditer. Donc, marcher, virgule, méditer. Il a deux auteurs, Michel Jourdan et Jacques Vigne. Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment un livre en deux, hein. À la limite, ça aurait pu faire deux livres. Mais ils se sont unis, moi je trouve que c'est très bien. Alors, en gros, les deux premiers tiers du livre sont écrits par Michel Jourdan. Ça correspond à une espèce de... Comment dirais-je? Une sociologie à tendance spirituelle de la marche. C'est-à-dire qu'il liste un peu toutes les... le côté spirituel, émancipateur, du moins, enfin sur le plan personnel, de la marche à travers les cultures. Donc ça va bien sûr des Tibétains, mais des chrétiens en Europe, des Incas dans la cordillère des Andes, etc. Donc tout ça doublé ensuite d'une réflexion globale sur la marche. Bien sûr, la marche et l'écologie, là je citerai des passages magnifiques. Voilà, il parle bien sûr du processus mental lié à la marche. Ensuite, la deuxième partie de Jacques Vigne. Alors le premier, donc je sais plus ce qu'il est d'ailleurs, enfin je regarde. Mais le deuxième, donc Jacques Vigne, je crois que c'est un médecin qui est, je crois, psychiatre et qui est parti en Inde. Je pense que le cœur de son intérêt, c'est la spiritualité indienne dans l'hindouisme. Mais à la limite, peu importe. On sent bien que là, on est bien au-delà de l'appartenance à une religion en particulier. Parce que, bon, il parle du bouddhisme aussi. Parce que, bon, bien sûr, il y a plein de choses héritées. Là, il écrit ce livre, notamment, enfin, sa partie. Lui, il n'écrit à peu près que 60 pages, Jacques Vigne. C'est un livre de 200 pages. Il n'écrit sa partie que pour compléter, hein, et il dit c'est assez intéressant parce qu'il écrit ça en disant qu'il va ensuite, juste après avoir écrit ça, il va passer 6 mois de retraite, de méditation, je sais pas, dans un ashram, je sais plus. Mais c'est quand même, non, c'est pas rien, quoi. Et son maître, c'est un Français qui était, je crois, psychiatre lui aussi, et qui a passé 17 ans en méditation. Au Tibet, dans la montagne, avant de venir, bon, voilà, c'est quand même intéressant. Il y a déjà voilà, c'est lourd. Alors lui, finalement, il parle pas trop de la marche, hein. Il faut bien reconnaître qu'il parle plus de deux choses. Alors il parle de la méditation, mais sous l'angle assez psychologique et de la, j'irais de la fin de l'ego, hein, et c'est ça qui produit le bénéfice pour le pratiquant. Sa grande réflexion aussi, ça c'est un petit peu œcuménique, enfin au sens large, c'est de montrer à quel point les premiers pères de l'Église et leur témoignage écrit montrent qu'il y avait cette conscience que la méditation tout ce qu'elle pouvait apporter. Alors la méditation, bien sûr, le terme ne revient pas tant que ça, mais en gros la spiritualité la grosse différence, c'est la tradition non dualiste de l'hindouisme, alors contrairement à la tradition chrétienne. Ça, c'est le cœur de la différence. Donc c'est un peu une tentative pour rapprocher la sagesse chrétienne qui a été dévoyé un peu ensuite, bien sûr, il a été privilégié un aspect un peu plus théologique, intellectuel, disons, par rapport à cette méditation un petit peu du vécu, de l'expérience, qui ne peut pas s'expliquer, qui ne peut pas s'apprendre. Bon. Alors, je vais lire d'abord des passages, et puis je pense que je commenterai, parce que je l'ai lu il y a un certain temps, ce livre. Donc je vais lire les passages que j'ai retenus, et je commenterai petit à petit. Alors, d'abord, on est dans la partie de Michel Jourdan. Alors, on y va. Donc là, il va falloir que je me réfère tout le temps. Alors, vers une socio-économie de la marche. Voilà, c'est un passage quand même, oui, un petit peu long, que j'ai trouvé intéressant. Les paysans des siècles derniers connaissaient un vide mental, naturel, de par leur activité quotidienne, marche et travaux physiques, dans la solitude et la nature. Mais de ce vide, que Jung a appelé l'inconscient cosmique, différent de l'inconscient collectif, et les bouddhistes Chan, la nature originelle, ne jaillissaient l'énergie créatrice que dans la construction de leur habitat et la fabrication de leur objet quotidien. Notre société occidentale, présente, est basée sur la négation de ce vide mental, qu'elle tend à éviter par la mécanisation, les loisirs, les distractions, les besoins d'objets, l'agitation frénétique et le bavardage audiovisuel. Le soi est étouffé. Alors le soi, c'est vraiment, oui, pour... Moi, je sais pas des domaines que je connais parfaitement, mais le soi, effectivement, c'est vraiment l'être profond. Hein, et c'est ça qu'il s'agit de retrouver derrière le moi. Je pense pas qu'il a... Ça, c'est des exceptions assez courantes, hein, de ce mot. Mais enfin, c'est bon, encore faut-il que je me le rappelle à moi. Le soi est étouffé. Et la créativité originelle ne jaillit même plus dans les objets que cette société produit. Objet industriel, reflet d'un mental coupé de la source de la vie. Comme l'a dit Gary Snyder, la véritable énergie est avant tout l'énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle peut nous donner une autre vision du monde et changer notre vie, au point de rendre vains et inutiles toutes les recherches de plaisirs artificiels et nos besoins sans cesse accrus. Mais c'est peut-être par un long détour, celui des recherches neurologiques et parapsychiques, qui redécouvre la valeur des phénomènes spirituels de l'être humain et les localise dans l'hémisphère droit du cerveau, que sera redécouvert le vide créateur, cette énergie spirituelle que chacun peut découvrir en lui, changera plus radicalement la vie que toutes nos technologies, peut-être même au point que nous referons de la marche à pied pour vivre et que les activités agricoles, bannies de nos sociétés à 90% urbaines, deviendront des moyens d'atteindre ce vide créatif que recherchaient les mystiques dans leur monastère. Voilà, moi alors là, je pense que ce passage, il est sublime, hein, parce que là, on parle d'écologie, on parle de bon, sens de la vie, enfin, tout est résumé. Tout est résumé en peu de lignes. Hein. Je trouve qu'il va très très loin, là. Voilà, donc c'est un premier passage que je trouvais vraiment très très intéressant. Alors, un autre passage. Alors, ça paraît un peu hors contexte. La marche en tant que technique de survie écologique. Alors, il fait référence à H.D. Thoreau, d'ailleurs. T-H-O-R-E-A-U, que je connaissais pas. Alors, je prends le passage tel qu'il est, mais il me fait référence, bon... Le jour lointain où une telle loi, je vois pas de quelle loi il parle. Le jour lointain où une telle loi fera son apparition en Inde. Ah non, il faut que je lise les lignes d'avant. Je pense que ce sera clair. Alors, ce qui en Orient était une fonction sacrée, celle du moine errant qui marche sans domicile fixe, devient chez nous un délit qui tombe sous les coups de la loi. Ainsi qu'il est précisé dans « Nomades et vagabonds ». Le code pénal de 1810 range la mendicité et le vagabondage dans son chapitre 3, « Crimes et délits contre la paix publique ». La résorption du vagabondage n'est plus laissée à l'armée ou à la police, au gré des besoins ou des menaces. Le vagabondage devient un délit, une infraction permanente. Les vagabonds ou les gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile, certains ni moyens de subsister. Et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d'un emprisonnement de 3 à 6 mois. Bon, voilà, la loi, c'est ça. Donc maintenant, j'arrive au passage proprement dit qui m'intéressait. Le jour lointain où une telle loi fera son apparition en Inde, où des milliers de moines errants continuent à pratiquer l'errance sans but, l'Orient aura rejoint l'Occident dans son processus de désacralisation de la vie, qui est la conséquence de toute industrialisation forcenée. Voilà. C'est quand même bien d'intérêt de voilà, l'industrialisation, c'est la désacralisation et la déspiritualisation, si on veut dire. Alors, et un peu plus loin, si la vitesse sépare l'être humain de son milieu, la lenteur le relie et le réconcilie sans cesse avec une nature qu'il semble craindre. La lenteur de la marche à pied est bien une désobéissance civile dans une société qui prône la vitesse comme seul critère de toute activité, que ce soit dans les déplacements ou dans le travail. Ouais, bon, voilà, c'est une évidence. Toujours plus, voilà, même dans des revues écologistes que je lisais là, on faisait référence au fait que dans une ferme en autogestion, avec des, où ils faisaient du fromage, etc., les gens étaient fiers de dire qu'ils comptaient pas leurs heures. Voilà, il y avait quand même, bon là on n'est pas dans la vitesse, mais on est dans le toujours plus, hein. Voilà. Ensuite, alors. Alors, passage suivant. Alors, mais cela c'est la mort du corps, la mort de la vie. La vie c'est la lenteur. La terre ne s'est pas faite en un jour, entre guillemets. Alain Hervé nous met en garde. Vouloir gagner du temps revient presque toujours à créer du temps mort. Ralentir, c'est presque toujours apprendre à vivre. Pour lui, vivre, c'est consacrer du temps à ce qui est vivant. Et ça on devrait le lire tous les matins. Alors, nous sommes loin de ce que A. Préau, je vais pas, traducteur de Heidegger, nomme la pensée au rythme lent, qui soupçonne que la voie de la vérité pourrait bien être celle du désintéressement. Et voilà, là on arrive aux notions, entre autres, bouddhiques. De la pensée qui quitte peu à peu ses propres constructions, les concepts passe-partout et les mille gadgets de la raison pour revenir aux choses elles-mêmes. C'est encore Virilio qui nous dit que nous avons abandonné le véhicule métabolique de notre corps ou du cheval, qui était tout terrain, n'avait pas besoin d'infrastructures. Et à présent, même si l'industrie s'impose aux lois de la nature, qu'importe, puisque seul domine le profit et la vitesse. La révolution industrielle a disqualifié l'être vivant. Elle est une révolution de la rapidité, aller plus vite et produire plus vite, et cela au prix de dizaines de milliers de morts et de centaines de milliers de blessés, au prix de la pollution atmosphérique, du bruit, de la mise à sac des espèces vivantes. La vitesse déforme l'espace et détruit la voiture, et détruit la nature, en voulant l'adapter aux fantasmes humains. Voilà, c'est beau quand même, hein. Je trouve que ça résume vraiment... beaucoup de choses. Eh oui, excusez-moi. C'est un rhume. Alors, marcher vraiment, c'est aller au rythme de la fleur qui s'ouvre, c'est la lenteur au sein du silence, selon l'expression de Denis de Rougemont. La lenteur au sein du silence. Cette société de la vitesse, issue d'un monde si inquiet qu'on ne pense presque jamais à la vitesse, à la vie présente et à l'instant qu'on vit, mais à celui où l'on vivra, j'aurais mis, de sorte que l'on est toujours en état de vivre l'avenir et jamais de vivre maintenant, nous avertissait déjà Pascal à une époque que l'on croyait lente. Eh oui, déjà. Ce désir de précipitation et d'agitation qui gâche le présent est bien en l'homme. Et la technologie lui a permis de l'assouvir comme pour mieux fuir la part spirituelle qui est en lui. Marcher une journée, c'est prendre le temps de vivre, et cela vous prend tout votre temps, celui de vivre. Voilà, intéressant. Marcher devient une fin en soi. Alors, ça c'est intéressant, je crois aussi. Oui. Une énergie gratuite. Voilà. En 1970, Jean-Paul Sartre critiquait notre société, lui reprochait de satisfaire des besoins qu'elle avait artificiellement créés, comme l'automobile. En effet. En rendant peu à peu impossible toute vie de campagne sans automobiliste, en créant un seul système urbain et industriel dans lequel chacun doit s'insérer sous peine de vivre dans le désert rural avec le niveau de vie du tiers-monde, cette société technologique a donné le besoin de la voiture pour fuir une vie peu satisfaisante. Nulle part, même pas dans la fuite, car même ceux qui s'échappent vers une prétendue nature ne la supportent pas plus de quelques jours, et encore moins sans les commodités de leur industrie. Celle-là même qui réduisent à néant la nature. Ivan Illich a démontré avec patience que l'énergie de la voiture et le temps qu'elle fait gagner sont un seul et même mythe. Alors ça, c'est intéressant. l'énergie de la voiture et le temps qu'elle fait gagner sont un seul et même mythe. L'automobiliste américain consacre 4 heures par jour à sa voiture, qu'il s'en serve, s'en occupe ou travaille pour elle. Ainsi donc, quand l'homme moderne croit gagner du temps grâce à la vitesse de son véhicule, avec de surcroît beaucoup de complications, il ne va en fait pas plus vite qu'un piéton qui, lui, ne perd jamais de temps à travailler pour une voiture ni à s'en occuper. Compte tenu de ce temps, l'automobiliste mettrait en vérité 1 heure pour faire 6 kilomètres. H.D. Thoreau, au XIXe siècle, suggérait déjà que sa marche pour se rendre d'un lieu à l'autre lui prenait moins de temps que de travailler pour payer le train sur cette distance. La marche est une énergie gratuite qui ne réclame pas plus de nourriture que celle que mangent ceux qui ne marchent pas. Ça, c'est très intéressant aussi. Et pour continuer sur cette réflexion à un niveau un peu économique, à un niveau d'efficacité, hein, on peut parler d'efficacité, là, l'efficacité écologique. Alors, je continue avec la citation suivante. Un Chinois consacre moins d'heures de travail à l'achat d'une bicyclette qu'un Américain à l'achat d'une voiture, de sa voiture. Alors là, déjà, c'est intéressant parce que... Bon, malheureusement, les Chinois sont justement en train de plonger vers la voiture et c'est le rêve... Bref, pour tout le monde, un peu comme ça l'est en Occident. L'énergie humaine est finalement la plus efficace et la plus économique, et ne dépend que de la nourriture, au lieu de carburants illusoires qui nécessiteraient des cultures, de topinambours, de légumes fourragés et de vignes, non pour manger, mais pour les transformer en alcool ou en méthanol pour les automobiles. Un spécialiste et inventeur de modèles automobiles, J.A. Grégoire, avoue lui-même dans « Vivre sans pétrole » que, vu les ressources planétaires limitées, l'automobile individuelle est condamnée. Mais il ne voit pas de solution autre que des transports électriques grâce aux centrales nucléaires. On est loin de l'idée de réintroduire la marche comme facteur économique dans nos sociétés. Il décrit par ailleurs une voiture qui utilise le vin blanc comme carburant. Dans l'optique taoïste de cet ouvrage, on pourrait dire qu'il vaudrait sans doute mieux aller à pied et boire du vin biologique. Voilà, bon, c'est amusant, vraiment. C'est vrai, vaut mieux aller à pied en buvant le vin, et en plus, au pire, on fait une pause sur le côté. On risque pas un accident mortel, en général. Bon, ça, c'est une digression de buveur, voilà, de temps en temps. Alors, citation suivante, toujours sur la voiture, la voiture individuelle, et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le véhicule utilitaire qui est ici en question, mais le véhicule individuel et ses répercussions spirituelles. Véhicule qui ne produit rien et ne sert à rien, sinon à assouvir des besoins égotiques de domination et de facilité. L'automobile individuelle ressemble à une excroissance de l'ego, aussi néfaste à la vie spirituelle que l'ego avide de désirs et de pensées. Facilité qui, à l'opposé du pèlerinage, excite ce système de possession et de violence qui est obstacle à la réalisation spirituelle. Cet objet est d'autant plus néfaste qu'il tend à asservir et à urbaniser le milieu dans lequel nous vivons, à rendre nécessaire une industrie qui est un poids pour les écosystèmes. Bon, là-dedans, bon, il y a une évidence sur le plan écologique, mais quelque chose qui m'a quand même, moi, vraiment touché, là, c'est... Une excroissance de l'ego, ça c'est quand même... aussi néfaste à la vie spirituelle que l'ego, avide de désirs et de pensées. Là, on est vraiment en plein dans la conscience bouddhiste, hein, je dirais. Vraiment, le fait de comprendre que les désirs et même l'avidité envers les pensées, ça, c'est la nourriture de l'ego. Je trouve ça... Oh, c'est peut-être une évidence pour beaucoup de gens, mais... Moi, j'avais à peu près compris pour le désir, mais j'avoue que pour les pensées, j'ai beaucoup plus de mal. Et bon, c'est bien de le lire, c'est bien de... Ça fait du bien. Alors ensuite, passage suivant. Notre société, bah d'ailleurs, qui suit complètement, qui suit ce paragraphe. Notre société en est arrivée à considérer l'automobile comme un équivalent assez exact des cathédrales gothiques. Je veux dire, une grande création d'époque, conçue par des artistes inconnus, consommé dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier, qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique, écrit Roland Barthes. À la différence près que les cathédrales jaillissaient du vide spirituel créateur et que l'automobile jaillit d'un néant industriel. Heidegger appelle la pensée calculante, celui du mental et de l'ego, si loin de l'intelligence spirituelle, le noyus des Grecs, N-O-U-S. La mentalité industrielle, c'est celle du couple égo-mental, coupé du soi, de la nature originelle, c'est le désir et la volonté de puissance de l'homme qui deviennent désormais la seule réalité. Et tous les gadgets pouvant flatter cet orgueil sont produits sans cesse dans des usines qui écrasent la vie des forêts et des rivières. La schizophrénie de notre société est dans cette cassure entre l'ego et le soi, qui donne une fausse vision du réel et nous jette dans le samsara, entre guillemets. Alors, non pas entre guillemets, mais le samsara, bon, il y a une référence, mais bon, je sais ce que c'est. Qui donne une fausse vision du réel et nous jette dans le samsara des Indiens. Indiens, oui, entre autres. L'enfer des Occidentaux. Il suffit de réunir l'ego et le soi pour vivre dans un nirvana qui n'a rien de lointain. Voilà. C'est édifiant, hein, quand même. Alors, il y a un parti pris, hein, c'est sûr. Il y a une approche, on pourrait dire, presque anti-occidentale. Là, c'est vrai, mais que je trouve assez juste, quand même. Alors, constatation que rejoint Eric Fromm. C'est Erich, en fait. Sans doute dans avoir ou être, le choix dont dépend l'avenir de l'humanité. Quand il dit que l'automobile privée est un gaspillage économique, un poison écologique et un traumatisant psychologique. Une drogue qui crée une sensation artificielle de puissance et qui aide les individus à se fuir eux-mêmes. Donc après, ensuite, il y a une référence à Jacques Ellul. Alors, j'avais pas gardé, mais je peux quand même lire la citation de Jacques Ellul, un article. Alors, la chasse au gaspillage, l'auto et les intouchables. Donc, c'était le nom de l'article. Donc, qui déclarait l'abus de notre société dans tous les domaines, qui est le primat et son primat donné à l'automobile, qui détruit le paysage, qui coupe les villes. Il nous rappelle que les autoroutes ne sont qu'un legs du fascisme et du nazisme. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça me rappelle quelque chose là. C'est le fameux traumatisme psychologique et la drogue qui crée une sensation artificielle de puissance. Je me souviens d'un dessin animé quand j'étais petit, hein, enfin ado, je sais pas quel âge j'avais. C'était Goofy, hein. Goofy, donc c'est un des personnages de Disney, l'ancêtre de Dingo en fait. Et c'était amusant parce que c'était une satire, comme les dessins animés étaient pas vides. Et c'était une satire. Et alors Goofy, donc c'était le brave américain moyen, donc en costume, en petit chapeau, souliers vernis, qui sort de chez lui, très gentil, très poli, peut-être trop poli, c'est vrai, il a renié aussi, qui laisse passer les vieilles dames dans la rue, qui va, bon bref, gentil, poli, courtois. Et on le voit rentrer dans son automobile, et là, il y a les dents qui lui poussent, et il devient le diable, les oreilles sont en pointe, etc., etc. Et c'était vraiment assez... ça m'avait frappé, pour que ça me revienne là, ça a dû me frapper un peu, et c'est vrai que... Donc ça, c'est un dessin animé qui est vieux, hein, je pense les années 50 ou 60. Bon. Ça veut dire que... Finalement, il y a eu assez vite la conscience des limites de l'automobile. Et je parle même pas du... Comment ça s'appelait? En Angleterre, le roi... Les anti-machines, là. Il y avait un personnage mythique. Ah, j'ai oublié. Mais enfin, donc, on dit que José Bové serait son héritier. Ça, c'est un peu... Il y a sans doute du vrai, mais c'est sans doute bien simplifié. Ensuite, citation suivante. On trouve une autre analyse judicieuse de l'action de l'automobile privée sur l'homme chez Edward T. Hall. qui, dans le cadre d'une étude sur l'espace des êtres humains, déplore qu'elle soit devenue le plus grand consommateur de l'espace personnel et public que l'homme ait jamais inventé. Dans une ville comme Los Angeles, aux États-Unis, 60 à 70% de l'espace urbain est consacré aux automobiles, les rues, les parkings, les autoroutes. C'est énorme, c'est vrai. L'automobile dévore des espaces nécessaires à la vie planétaire. Non seulement les hommes ne veulent plus marcher, mais de plus, ceux qu'ils voudraient ne le peuvent plus. À moins que ce ne soit sous prétexte de vacances et de sentiers de randonnée balisés quand leur voiture les attend quelque part. Ouais. Bon, bah, c'est moi, quoi. Alors, pour Hall, la voiture coupe effectivement ses occupants du monde extérieur en les enfermant dans un cocon de métal et de verre, émoussant ainsi la sensation du mouvement dans l'espace. Elle atrophie et mutile les sensibilités humaines. À l'opposé, pour lui, l'allure de la marche permet de percevoir notre relation aux arbres, aux buissons, aux feuilles, à l'herbe, aux rochers, aux pierres, aux grains de sable, aux mouches et aux moustiques, au meilleur et au pire donc, ce dont la voiture nous sépare. La vitesse de la voiture ne fait que nous brouiller les images, ne fait que brouiller les images proches, elle altère aussi notre rapport global avec le paysage. En marchant, espace, distance et paysage prennent une signification plus intense. Il conclut en disant « La voiture isole l'homme de son environnement comme aussi des contacts sociaux. Elle ne permet que les types de rapports les plus élémentaires qui mettent le plus souvent en jeu la compétition, l'agressivité et les instincts destructeurs. » Si nous voulons retrouver le contact perdu à la fois avec les humains et avec la nature, il nous faudra trouver une solution radicale au problème posé par l'automobile. Bon, c'est quand même intéressant. Et là, je reviens dans cette citation à l'image, là, un enfermement dans un cocon de métal et de verre, émoussant ainsi la sensation du mouvement dans l'espace, atrophie et mutile les sensibilités humaines. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que c'est ce qu'on ressent dans le domaine de la communication, avec la communication à distance. Que ce soit le téléphone, et pas seulement le téléphone portable, les lettres, et oui, même les lettres, et les emails aujourd'hui, bien sûr. Et là, il y a quelque chose de brutal. Parce qu'effectivement, il y a une sensibilité qui ne s'opère plus. Comme si une part de nous ne pouvait vraiment... C'est la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est qu'on se demande ce que pense l'autre quand on lui parle. Enfin bon, plus ou moins, bien sûr. C'est comme si, quelle que soit notre capacité à développer cette pensée empathique, ou comme si dans de nombreux cas, elle était fortement émoussée par la distance des communicants. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas d'aller-retour instantané. Bon, déjà, ça favorise la distance, le fait qu'il ne soit pas visible, qu'il n'y ait pas le regard, qu'il n'y ait pas la peur de l'autre, qu'il n'y ait pas la joie de le voir, enfin, tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Bon, ça, c'était ma petite digression. Alors... prochaine citation, là, je saute quelques pages. On va changer un peu de sujet. Marcher dans le paysage. Alors, si l'activité manuelle et la marche provoquent ce vide de l'esprit, encore faut-il le cultiver et s'en servir comme miroir et vide créateur, au lieu d'en avoir peur et de rechercher le rassurant bavardage futile comme le font beaucoup de gens qui marchent, ou certains pêcheurs, comme celui dont parle Museau. Alors Museau, je ne sais pas qui c'est. Mais ça, je devrais en prendre de la graine. Quand je cours... avec mes émissions de radio sur les oreilles. Je suis loin de laisser s'instaurer le vide créateur. Alors, un écrivain, oui, alpiniste suisse. Maurice Chappaz. Alors, chez Maurice Chappaz, écrivain suisse, on trouve cette idée que le marcheur authentique entre à chaque instant de la journée en relation avec tous les éléments qui existent et qui travaillent aussi en lui, comme s'il était lui-même une matière qui se prête au grand travail du monde. L'effort physique de la marche peut conduire l'homme à certains extrêmes, où il ne connaît plus aucune dualité entre lui et un arbre ou un caillou. Marcher authentiquement, tout comme jeûner, c'est accéder à une acuité de nos perceptions, telle que notre regard pénètre à l'intérieur des choses. Ouais, j'ai mal lu là. C'est accéder à une acuité de nos perceptions, telle que notre regard pénètre à l'intérieur des choses. Bon, ben là, on est vraiment dans la fameuse. Le 1 de la spiritualité ultime, dans l'éveil, dans le. Voilà. L'interdépendance de toutes choses. Bon. Plus de dualité. Voilà, tout est là. Alors. Petite citation pour Changse, un chinois donc, je sais pas qui c'est. Marcher bien, c'est marcher sans but, sans être abusé par ce que l'on voit. Et Lao Tzu dit même que le but suprême de la marche est d'ignorer où l'on va et ce que l'on contemple. Ignorer, pour pouvoir faire un, pour suspendre le jugement, pour suspendre les idées. C'est cohérent tout ça. Alors, station suivante. Ce qui nous Hui Neng, conseillé de n'avoir aucune résidence fixe, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Chassez votre attachement et votre marche ne connaîtra pas le moindre obstacle. Mais oui, mais oui. Là, bon, bah, on pourrait écrire des livres entiers là-dessus, hein. Mais c'est vrai que tout est dit là. Pas de résidence fixe. Je sais plus dans quelle. Il y a certaines écoles zen au Japon où les moines ne devaient pas rester plus de 15 jours dans le même monastère. Bon, bah. On peut comprendre, hein. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Si encore on en avait conscience, au moins. Alors, Basho, ou le pèlerinage poétique. On prête à Basho, 1644-1694, la rédaction de ce règle du pèlerinage poétique, paru en 1760 dans le Goshi Shiki. Alors, c'est une suite de règles. Ben voilà, je me souviens. Ne pas dormir deux nuits de suite dans la même auberge. C'est fort, ça. Ne pas porter d'armes, évidemment. Ça, c'était sans doute office d'automobile à l'époque, les armes. Il n'y avait pas l'automobile, il y avait les armes. Ni trop, ni trop peu de vêtements. Voilà, c'est le juste milieu, là. Hein. On est dans le zen, là. Dans le bouddhisme. Manger de la nourriture simple, oui. Parce que sinon, la dépendance s'installe, le désir, etc. Ne pas montrer ses poèmes. Si on ne vous le demande pas. Si on vous le demande, ne jamais refuser. Oui. L'ego. Faut pas être moteur, mais faut accepter, y a rien à cacher. Ouais, ne pas monter à cheval, mais s'appuyer sur son bâton. Bon, bah là, c'est l'automobile. Hein. Ça, c'est... Ne pas boire de vin. Bon, bah oui, c'est vrai que c'est pas la sagesse. En dehors de la poésie, ne pas parler de choses et d'autres, quand une conversation de ce genre s'installe, faire un somme et se divertir ainsi. Ne faire que de la poésie ? Oh la vache ! Oui, en fait, toute autre chose que la poésie serait pas sérieux. Quoi. C'est l'inversion du paradigme. Quoi. C'est... Ne pas avoir de relations intimes avec des poètes femmes. Et les autres ? Bon, bref. Le devoir des hommes et des femmes est d'avoir des enfants. La dissipation empêche la richesse et l'unité de l'esprit. La voie du haïku est celle de la concentration, non de la dissipation. Regarder profondément en soi-même. Ne pas prendre ce qui appartient aux autres, tout a déjà un propriétaire. Ne pas enseigner avant de s'être soi-même perfectionné. Ceux qui marchent dans la voie du haïku doivent s'associer avec ceux qui marchent dans la même voie. Tous ensemble. C'est amusant quand même ces règles là, du poète itinérant. Là. Alors la marche solitaire, c'est... Alors là, il y a une petite anthologie de textes à la fin de cette première partie du livre que je trouve super. Alors là, c'est un petit texte de Stevenson, le fameux Robert Louis, l'île mystérieuse, celui qui a traversé les Cévennes avec un âne. Hein, c'est quand même. Et c'est celui qui a donné son nom à certains GR là-bas. Je suis passé sur ses pattes, sur ses pieds, sur ses pattes, les pattes de l'âne. Bref, pour ça, c'est le bonheur de souvenir. À présent, pour se goûter convenablement, une randonnée à pied doit être faite seule. Bon, enfin, il avait son âne, lui. Hein. Bon. Si vous l'entreprenez en groupe, ou même à deux, elle n'a plus de la randonnée pédestre que le nom. C'est quelque chose d'autre, qui se rapprocherait davantage du pique-nique. Une randonnée à pied doit se faire seule, car la liberté est essentielle. Parce que vous devez être libre de vous arrêter et de continuer, et de suivre ce chemin-ci ou cet autre, au gré de votre fantaisie. Et parce que vous devez marcher à votre allure, sans trotter comme un champion de la marche, ni musarder avec une fille. Et alors, vous devez être accessible à toutes les impressions, et laisser vos pensées prendre la couleur de ce que vous voyez. Voilà, c'est bien dit. Hein. Vous devez être comme un chalumeau dont n'importe quel vent peut jouer. Je ne vois pas l'intérêt, dit Hazlitt, qu'il peut y avoir à marcher et à parler en même temps. Quand je suis à la campagne, j'ai le désir de végéter comme la campagne. C'est quand même assez absurde. Parce que il y a plus de vie à la campagne qu'à la ville. Ce qui est l'essentiel de tout ce que l'on peut dire en la matière. Il ne doit pas y avoir de caquetage près de vous qui vienne troubler le silence méditatif de la matinée. Et tant qu'un homme raisonne, il ne peut pas s'abandonner à cette bonne ivresse salutaire qui prend naissance quand on se remue beaucoup au grand air, qui débute par une sorte d'éblouissement et de lourdeur de l'esprit, et se termine dans une paix qui dépasse lentement. Voilà, bon, magnifique. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'unité de tout ça. On a l'impression qu'ils en reviennent tous au même. Alors là, c'est la marche bouddhiste, justement. Tiens. Donc la marche attentive de long en large, le Satipatthana. En s'y livrant, on doit être conscient des phases séparées de chaque pas. Ben là, on est dans la marche zen, au milieu de Zazen. La division sextuple des phases, alors ça, telle que la donne par exemple le commentaire du discours, est trop compliquée pour le débutant. Bah oui. Qu'il suffise de remarquer trois ou deux phases pour les adapter à un rythme de deux syllabes. Nous suggérons de les formuler comme suit. 1, levé, 2, porté en avant, 3, pause, 1, levé, etc. Non, trois phases ou deux phases. Alors en trois, c'est un levé, deux porté en avant, trois pause. En deux, c'est un levé et deux pause du pied. Lorsqu'on veut marcher plus vite, on peut utiliser la division double. Autrement, la division triple est préférable, car elle offre une suite d'attention plus étroite, sans lacune. Cette pratique de la marche attentive est particulièrement recommandée, tant comme méthode de concentration, que comme source de vision intérieure. On peut donc la pratiquer en propre, et pas seulement comme changement de posture, contre la fatigue. Dans le discours du Bouddha, nous trouvons un passage qui revient fréquemment et qui dit « Le jour, et aux premières et troisièmes veilles de la nuit, il purifie son esprit des pensées obstructives, tandis qu'il marche de long en large, ou est assis. » Donc, la marche, ou le fait d'être assis. Donc, c'est pas si sectaire que ça. Si l'on considère la marche de long en large comme une pratique en propre, il est souhaitable de disposer pour se faire d'une surface assez étendue, soit à la maison, un couloir ou deux pièces adjacentes, soit dehors, car tourner en rond trop souvent peut déranger le courant continu de l'attention. Il faut marcher pendant assez longtemps, même jusqu'à ce qu'on se sente fatigué. Ouais. Ah voilà, le Kinin. Kinin. K-I-N-H-I-N. Espace H-I-N. Ça, c'est la marche du Zen Soto. Alors, la marche du Soto Zen, ils disent. Bon. Donc ça, c'est Taizen Deshimaru. Je pense que c'est dans le livre que j'ai. Dans le dojo sont enseignées les quatre attitudes fondamentales du corps. Comment se tenir debout, comment marcher, comment s'asseoir, comment s'allonger. Ce sont les postures originelle, celle que nous prenons habituellement, les attitudes auxquelles nous nous laissons aller, ce sont dans la plupart des cas des postures brisées. La posture debout et en marche est très importante. On la désigne par kinin. Maurice Béjart a reconnu en elle l'origine des pas et des postures de danse enseignées dans le ballet classique européen. La posture est la suivante. On se tient debout, la colonne vertébrale bien droite, le menton rentré, la nuque tendue. Le regard posé à 3 mètres devant soi, c'est-à-dire à peu près à la hauteur de la taille de la personne qui précède lorsqu'on est en file indienne. Le pouce gauche est serré dans le poing gauche. Pouce gauche serré dans le poing gauche. Lequel est posé par la tranche sur le plexus solaire. La main droite enveloppe le poing gauche et les deux mains sont fortement serrées ensemble et appuyées contre le sternum pendant l'expiration. Les coudes sont écartés et les avant-bras tenus à l'horizontale, les épaules relâchées et rejetées en arrière. Au début de l'expiration, on avance avec la jambe droite d'un demi-pied, et l'on appuie énergiquement sur le sol avec la plante du pied. Précisément avec la racine du gros orteil, comme si l'on voulait imprimer une trace dans le sol. Il y a une profonde correspondance entre cette extrémité du pied et le cerveau. Il est bon de ressentir le contact avec la terre. Le genou étant bien tendu, la jambe est alors en tension, ainsi que tout le côté droit, depuis le sommet de la tête jusqu'au bout du pied. L'autre jambe, l'autre côté, reste souple, détendu. En même temps, l'expiration par le nez est profonde, lente, aussi longue que possible, mais sans forcer et sans bruit. Quand elle arrive à la fin, on marque un temps d'arrêt, on relâche tout le corps, et l'inspiration se fait d'elle-même, automatiquement, librement. Au début de l'expiration suivante, on change de jambe et tout le processus recommence. En prenant appui sur le pied gauche, la jambe droite reste en souple. C'est une marche rythmée, comme celle d'un canard, faisant alterner tension et détente, temps fort et temps faible. Les maîtres zen disent qu'il s'agit d'avancer comme le tigre dans la forêt ou le dragon dans la mer. L'appui du pied est sûr et silencieux, comme le pas d'un voleur. Pendant cette marche, on ne doit pas regarder le visage des autres personnes. Le regard est tourné vers l'intérieur, comme si l'on était seul avec soi-même. Comme pendant le zazen, on laisse passer les pensées. La marche en kinin repose de l'assise en zazen. Au long d'une journée de séchine, on fait alterner l'une et l'autre. Le corps et l'esprit retrouvent leur unité, ainsi qu'une résistance et un dynamisme remarquables. Kinin est, comme zazen, une méthode de profonde concentration. L'énergie poussée par l'expiration est rassemblée dans le bas-ventre, où elle est vraiment active. Entraînement à la stabilité de l'énergie. Les arts martiaux du Japon sont fondés sur cette tenue des jambes et sur la concentration de l'énergie dans le hara, le centre de gravité du corps situé à 3 largeurs de vos doigts en dessous du nombril. Cette posture est enseignée dans la pratique du judo, du karaté, de l'aïkido et du tir à l'arc. De nos jours, on tend à oublier cette affluente attitude spirituelle dans la pratique des arts martiaux. On recherche la force par la seule technique. Do dans judo, dans aïkido, signifie voix. Les arts martiaux ne sont ni une technique de compétition, ni des sports de combat, mais une méthode en vue d'atteindre la maîtrise de soi, le contrôle de l'énergie, dans l'abandon de l'ego et la communication avec l'ordre de l'univers. Entraînement de la conscience. On ne tire pas la flèche part à l'instant précis où, inconsciemment, on est prêt, dépouillé de soi. C'est quand même assez génial, quoi. Voilà, ça me renvoie encore rapport entre approche analytique, psychanalytique du sujet et la méditation. Au moment où inconsciemment on est prêt, dépouillé de soi. Dépouillé de soi, c'est plutôt l'ego, enfin sans ego. Bon, bref. Alors j'ai noté aussi, là c'était assez long, là, la marche taoïste. Alors, le promeneur ne laisse pas de traces. D'Alan Watts. Le promeneur exercé n'utilise que l'énergie indispensable pour avancer. Il ne laisse pas de traces puisque, marchant d'un pas léger, il ne soulève pas de poussière. Un taoïste dirait que si un promeneur soulève de la poussière, celle-ci est la preuve de ce qu'il utilise un excédent d'énergie. Et la preuve de ce qu'il utilise. Oui, je recommence. Un taoïste dirait que si un promeneur soulève de la poussière, celle-ci est la preuve de ce qu'il utilise un excédent d'énergie non absorbé par l'acte de la marche. Bien que cette comparaison soit un peu forcée, l'idée fondamentale est celle du secret de la concentration et de la réussite de toute activité. Il faut utiliser la quantité d'énergie requise pour parvenir à un résultat donné, mais d'une manière générale, l'homme rend sa vie plus ardue en gaspillant un potentiel d'énergie considérable dans les tâches qu'il entreprend du fait de son manque de concentration. Et oui, c'est long de trouver les. Alors là, je passe dans le. Dans la partie de Jacques Vigne, la deuxième partie. Donc là, on va changer de registre. Alors, d'abord une citation. Alors là, le premier chapitre, ça s'appelle De l'arrêt du mental. Bon. Et une citation de Yehudi Menuhin, le grand violoniste, ou violoncelliste, je dirais plutôt, je crois. Alors, qui était un juif polonais, je crois bien. Alors, la citation c'est: Il n'est pas nécessaire de méditer au nom de Jésus, de Bouddha, ou de qui que ce soit. Il suffit simplement de méditer, méditer. Intéressant, hein? Ben oui, mais après, encore faut-il savoir comment le faire. La marche, de par sa répétition rythmée, favorise une régulation du cours des pensées. Si elle est associée à la répétition d'une formule sacrée, elle peut même mener à un arrêt du mental et à un état supérieur de conscience. Il est courant chez les pèlerins de tous les pays de pratiquer la prière répétitive. Dans le christianisme, les récits d'un pèlerin russe sont célèbres pour cela, ainsi qu'en Inde, les carnets de pèlerinage de Swami Ramdas. J'ai été tellement fasciné par ce pouvoir de la répétition sur l'esprit. Donc là, c'est Jacques Vigne qui parle. Qu'elle soit répétition du pas ou répétition d'une formule sacrée, que j'en ai fait le sujet de ma thèse de médecine. Ce que je pressentais au moment où j'ai rédigé ce travail, c'est que les techniques répétitives, normalement associées dans l'esprit des gens à la prière ou à la pensée positive, peuvent également apporter une contribution importante au développement de la psychothérapie. Une des limitations de celle-ci est qu'elle se fonde presque exclusivement sur l'observation du mental. Mais cette dernière ne représente qu'une moitié des possibilités d'approche de l'esprit dans les voies spirituelles. La seconde moitié est constituée par des techniques concentratives, consistant en un mouvement répétitif de l'attention qui revient sans cesse à l'objet sur lequel elle a décidé de se fixer. Alors là, il divise en deux, et ça c'est assez intéressant. J'aime bien cette, enfin, ça, parce que c'est autrement dit ce que. Là, on est dans les deux types de méditation. Alors, je sais plus, Vipassana et j'oubliais. Enfin bon, il y en a une qui est basée sur la concentration. Donc ça, c'est la deuxième dont il parle. L'attention revient sans cesse à l'objet sur lequel elle a décidé de se fixer, et l'autre. La répétition. Alors moi, dans les autres, ce que je savais, c'était plutôt que c'était la non-pensée, par exemple le zazen. Ou... Bon, mais c'est aussi de la concentration. Mais bon, on fixe pas l'objet sur quelque chose, on le fixe ou alors sur soi, enfin sur rien, quoi. Bon. Alors que là, c'est la répétition. Et la répétition conduit au vide aussi. C'est... D'ailleurs, la posture en zazen, je me demande. Bien sûr qu'il y a une part physique purement. Il n'y a pas que ça. C'est sans doute la part la plus importante, mais au début, tenir une position, je pense que ça implique une attention. Et donc, il y a un mélange de concentration, répétitive peut-être même, mais bon, voilà. Alors. Je m'intéresse. En premier lieu, au résultat de ces techniques, la paix, Hésychia, qui va revenir souvent dans sa partie, c'est du grec, qu'on a décrite comme la colonne vertébrale de la mystique de l'Église orthodoxe d'Orient, et l'arrêt du mental, Citti, Vritti, Norada, donc la paix et l'arrêt du mental, que Patanjali considère comme la définition même du yoga au début de ses aphorismes. Voilà, c'est les deux aspects. Mais bon, c'est une vision, je crois qu'il parle bien de la même chose. Hein. Sauf qu'il y a une vision grecque, européenne, occidentale, et l'autre indienne. Voilà. Alors une autre citation du livre, enfin plus qu'une citation, un passage qui justement décrit un peu le lien entre méditation, silence, psychologie. Alors, la psychologie n'est pas totalement étrangère aux vertus du silence. L'abstention du psychiatre a une efficacité en soi, car elle constitue une acceptation implicite du mental de son patient et de son existence en tant que telle. Cependant, il faut se tourner vers les pratiques de la méditation pour que le sujet lui-même essaie de devenir silencieux. Les thérapeutes sont trop fascinés par les bruits de l'intellect, les fausses notes de la psychopathologie et le grondement sourd des pulsions ébranlant l'inconscient pour jamais penser à écouter le grand calme qu'il y a derrière ou en dessous de tout cela. En ce sens, on peut dire que le silence est le grand refoulé de notre psychologie moderne. Notons d'ailleurs que la philosophie et la théologie l'avaient déjà passablement mis à l'écart de leurs préoccupations. Pourtant, l'homme ordinaire a une intuition juste du silence quand il aime aller dans la nature. Là, les images ne sont plus porteuses de messages calculés comme dans les villes. La nature n'a rien à lui dire de spécial et c'est peut-être pour cela qu'il aime bien sa compagnie. Alors ça, je trouve ça assez génial. C'est se rendre compte qu'effectivement, dans la nature, on n'est pas dans un monde connoté. Rien n'a été pensé. Alors, soit pensé pour communiquer quelque chose, un message, comme le pire du pire, c'est l'affiche publicitaire. Mais il y a aussi, même une route est pensée, donc elle est organisée, donc elle contraint, donc bref. Et c'est vrai que la nature, alors tout dépend de la nature aussi. Hein. Une forêt où tous les arbres sont rangés... Alignés, les troncs sont alignés, c'est pas tout à fait la nature au sens du vide. Mais c'est un très beau passage, j'ai trouvé. Alors, une autre citation. Un autre terme désignant la tranquillité est apatheia, l'absence de passion. Il ne s'agit bien sûr pas de l'apathie, état de paresse, mais d'un état de pureté où tous les mouvements du mental sont arrêtés. C'est un état de surconscience ayant une analogie profonde avec le samadhi hindou. Pour les pères, l'amerimnia, l'absence de soucis, se révèle pratiquement toujours une vertu. Alors souci, c'est bien sûr avoir un souci, mais c'est aussi se soucier de pouvoir ne pas se soucier d'eux. Ce qui n'est pas tout à fait égal à ne pas avoir de soucis. C'est quand on n'a pas à se soucier d'eux, bien sûr on n'a pas de soucis. Mais quand on n'a pas de soucis, on peut encore se soucier de quelque chose. Bon, enfin, les deux se rejoignent, mais je trouve que c'est un sens plus fort. Pour les pères, l'amérémnia, l'absence de soucis, se révèle pratiquement toujours une vertu. Dans ce sens, une sage hindoue de notre siècle, Ma Anandamayi disait en des mots simples « Le non-souci, voilà la méditation suprême. » Et ça, je trouve ça, c'est simple, hein, mais tout est dit. Le non-souci, c'est l'oubli de soi, c'est l'oubli de moi égotique. C'est tout ça qu'il y a derrière. Donc, c'est effectivement l'arrêt de la pensée voulante, de la pensée vers un but, de la préoccupation de soi. C'est tout ça qu'il y a derrière. Alors, je me suis laissé guider dans mon choix de paroles des pères et des sages de l'Inde par mon intuition basée elle-même sur l'expérience intérieure que j'ai pu développer durant 8 ans que je vis, depuis 8 ans que je vis en Inde. J'ai bénéficié aussi de l'expérience de Vijayananda, que je connais depuis une huitaine d'années. C'est un ancien médecin français devenu disciple de Ma Anandamayi. Il vit en pratique la méditation du Vedanta depuis plus de 40 ans en Inde. S'il n'est pas un père du désert, il mériterait, du fait d'avoir vécu 17 ans solitaire dans l'Himalaya, le nom de père de la montagne. Le silence permet de résoudre bien des problèmes de traduction. Alors il parlait de, voilà, de différentes cultures. Et il ajoute la phrase suivante, le silence est le signe du renoncement. Le silence est le signe du renoncement, le fameux renoncement qui est si mal compris par les Occidentaux. Voilà. Après avoir parlé de l'arrêt du mental dans le Vedanta et dans le christianisme, nous envisagerons la méthode qui permet d'y arriver, c'est-à-dire l'ascèse, en faisant une étude critique du sens de la souffrance et du corps chez les pères. Voilà. Parce que ça, donc c'est la grosse partie de sa réflexion à Jacques Vigne. C'est l'ascèse. Alors jusqu'où on peut... Comment agir sur le corps pour agir sur le mental, mais ou du moins avoir donné de bonnes conditions au corps pour que le mental puisse atteindre ce silence. Donc il étudie un peu dans l'histoire toutes les souffrances, les types d'ascèse qui ont été faits, parfois excessifs, et donc il réfléchit beaucoup à ça. Alors déjà, l'arrêt du mental dans le Vedanta. Il y a 3 degrés d'arrêt du mental. Le silence de l'activité verbale intérieure, déjà pas mal, à mon niveau. Deuxièmement, l'effacement des images. Troisièmement, l'arrêt des sensations venant du corps. Voilà, je trouve ça bon. Quand on est parvenu à ce dernier stade, le soi se révèle. C'est le samadhi. Lorsque le lac est calme, on peut en voir le fond. Cela ne signifie pas que le silence soit un état de torpeur. Ramana Maharshi disait que les gens croyaient le sage paresseux parce qu'il pouvait rester longtemps immobile. Mais en fait, il est comme une toupie qui tourne tellement vite qu'on ne la voit même plus se mouvoir. Le silence du vrai gourou est l'enseignement le plus fort. Voilà. Tout ce qui peut être exprimé par des mots ou par le langage est une création de l'esprit. Et donc c'est la dualité, et donc c'est pas le silence. On croit que le silence est inactif, mais c'est en fait une éloquence qui ne cesse pas. On pourrait le comparer au libre courant de l'électricité dans un fil. De temps à autre, il arrive à un instrument et le fait fonctionner, sinon il s'écoule de lui-même. Toutes ces images pour essayer de faire sentir ce que lui a compris. L'une des nombreuses méthodes de méditation consiste à observer le mental entre les pensées et d'y percevoir le silence. C'est une technique également utilisée en Occident, notamment chez les chartreux. Hein, le grand silence, le film qui est tourné, un documentaire au monastère des chartreux. Il faut bien comprendre que si toutes les pratiques spirituelles s'acheminent vers le silence, elles ne le créent pas, car il est déjà là, et il n'est autre que le soi. Celui qui a perdu sa bourse dans un moment de distraction peut la retrouver en calmant son esprit et en se demandant où il a pu l'égarer. Quand il a retrouvé la bourse perdue, on ne peut pas dire que le fait de calmer son esprit ait créé cette bourse. De même, le contrôle de votre esprit n'est pas la cause de la réalisation du soi. De même, le contrôle de votre esprit n'est pas la cause de la réalisation du soi. Bien que toujours là, vous ne reconnaissez pas le soi, même avec un esprit trouble, contrôlé, parce que vous n'en avez pas l'habitude. C'est une citation, ça aussi. Dans le Vedanta, on aime bien prendre comme analogie du samadhi le sommeil profond, étant dépourvu d'images oniriques. Il représente un silence des formes. De plus, la distinction entre l'observateur, ce qui est observé, et l'observation disparaît, comme fondue en une seule masse de conscience. Prajnagana, terme employé dans le Upanishad. Le samadhi a la même très grande force centripète que le sommeil profond, mais au lieu d'être inconscient, il est surconscient. Et je continue là, finalement tout m'intéresse. Si l'on veut se repérer dans la hiérarchie des expériences spirituelles et savoir ce qui est important d'accomplir, il faut faire la distinction entre Manolaya et Monasha, respectivement la dissolution et la destruction du mental. Ah oui, ça j'ai trouvé ça intéressant. Bon, c'est un peu théorique. La dissolution est définie comme un phénomène réversible, alors que la destruction du mental, elle, est définitive. Les germes des samskaras, conditionnements passés, sont morts. Les conditionnements passés sont morts, comme dans de l'eau qu'on a bouillie, ou dans les graines qu'on a grillées à la poêle. Ma Ananda Mayi parlait souvent de la distinction entre le vide, Shunya, et le grand vide, le Mahashunya, qui correspond à peu près à la différence que nous venons d'établir. Les auteurs chrétiens parlent de la fausse et de la véritable Ezikia. Il est important de savoir cela afin de ne pas confondre une banale et toutefois utile expérience de relaxation profonde et le grand silence que connaissent quelques rares grands maîtres. Dans l'Advaita Vedanta, la doctrine de la non-dualité pure, même la présence d'une pensée au sujet de la divinité, est une limitation à un silence vraiment stable. En effet, quand il y a deux personnes ensemble, l'idée que je me fais de la divinité et moi, même si elles peuvent se taire pendant quelque temps, elles recommenceront fatalement à parler à un moment ou à un autre. Hein, c'est intéressant ça, hein, c'est les limites du christianisme. Bon, enfin, comme avant d'arriver à cette limite, on peut déjà être très sage. Cette importance fondamentale donnée au silence n'est pas l'apanage du non-dualisme indien. On retrouve la même notion dans le zen, témoin de ce que disait Maître Dogen. Ouvrez les guillemets. Il faut savoir que si aucune pensée ne surgit, la vie est mort, alors vie-et-mort, est alors tranchée. Et que si on n'a ni conjecture, ni différenciation, on éclaire tous les phénomènes. On a peur de comprendre là ce qu'il veut dire. C'est que la non-pensée, quand on a atteint un stade de non-pensée, on n'en est plus à discriminer vie et mort. En tout cas, on n'est plus dans la conjecture ni la différenciation. Donc, on ne construit plus de mécanismes psychiques pour appréhender le réel. Enfin, le réel, enfin bon. Et on n'essaie plus de différencier. On peut encore rapporter ce propos d'un autre maître zen, Taido, du XVe siècle. Guillemets. Hormis cette pacification, il n'y a pas de Bouddha. Ce Bouddha n'a pas de lumière spéciale. Il ne vole pas dans les airs. Notre être est tel quel, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est celui d'un Bouddha inné et serein, n'en doutez pas. Hein, c'est sympa ça. Il n'y a plus qu'à le faire vivre, quoi. En Occident, Plotin a été l'inspirateur de ceux qui voulaient s'orienter vers une voie de connaissance pure, c'est-à-dire la réalisation de l'un, au-delà de toute question de personne, comme dans le Vedanta. Il évoque le stade supérieur de l'expérience spirituelle de cette façon. L'âme cesse d'agir, elle ne continue plus à faire des efforts, elle est pleine. Elle possède sa contemplation à l'intérieur. Ainsi, l'unité est introduite en elle. Plus il y a d'unité, plus il y a de tranquillité. C'est alors que la partie de l'âme qui connaît devient un avec ce qui est connu. Bon, je vais pas dire si en indien c'est hen toi gnosi henti. Bon, c'est pas. Voilà, c'est assez grandiose quand même ces passages-là. Je trouve que tout est dit, mais c'est après, faut une vie pour réussir. Il est intéressant de remarquer que les deux derniers degrés de l'échelle du progrès, selon Jean Climac, un père de l'Église, sont l'apatheia, l'absence de mouvements mentaux, et la charité. Là, on retrouve la vacuité et la compassion, deux qualités suprêmes et inséparables du bouddhisme Mahayana. L'apatheia est la nature même de l'âme, les passions y sont surajoutées. Ce que revient à dire que le but de la pratique est de retrouver sa vraie nature. Expression qui fait penser à l'enseignement du zen qui dit que chaque être a la nature de Bouddha. Voilà. Besoin de lire ça pour se motiver à s'y mettre. Hein. Autre analogie frappante avec le non-dualisme hindou, par la purification de son mental, le moine se transforme en pure conscience. Quelques instants avant sa mort, l'abbé Bessarion fit cette réflexion. Le moine doit être comme les chérubins et les dauphins, uniquement œil, la pure conscience. L'ézéchia est un processus de mort et de résurrection. L'ego doit réellement disparaître. L'abbé Pomen, quand il était simple moine, est venu se plaindre à son maître, Amonas, du bruit que faisait un voisin. Ça j'adore, c'est très drôle. Celui-ci répondit, « Pomen, tu vis encore ?»« Va, assieds-toi dans ta cellule et grave dans ton corps que tu es depuis un an dans le sépulcre. » Ah voilà, c'est typique du christianisme. On comprend rien, quoi. Je veux dire, il faut une vie pour comprendre la phrase qu'il a reçue, là. C'est tellement... c'est absurde, quoi. Moi, je trouve que c'est pas clair, mais bon, avec tout le livre, on comprend à peu près, mais... Cet état de mort correspond à la libération définitive. Avec cette science et cette humilité qui en découle, cessent toutes les luttes et les tentations, car les démons ne peuvent lutter avec celui qui se considère comme n'étant rien. Voilà, il faut pas vouloir être le bien pour le bien, parce que là, il y a dualité, il y a combat contre, il y a lutte, il y a conflit intérieur, enfin, voilà. Cette connaissance supérieure vient de la foi et exclut l'action. Nous nous trouvons dans l'optique du Vedanta où la connaissance supérieure ne peut être contrainte ni à provenir des actions, ni d'ailleurs à les produire. Voilà, c'est l'immobilité et le silence qui créent cette conscience et pas l'action. Bon, c'est dit, si je m'instruis là, c'est justement parce que j'espère comprendre un peu ce vers quoi, et me motiver pour tendre ce vers quoi je veux tendre. Il y a une séparation entre les deux niveaux. L'action servant à purifier le mental avant la grande expérience et à exprimer une compassion libre et gratuite après. C'est magnifique. C'est une idée courante en Inde que l'amour supérieur, Parabhakti, conduit à la connaissance, Jhana. Un moine actuel du mont Athos, qui sans doute ne connaît guère l'enseignement non-duel de l'Inde, en arrive à la même expérience. L'apateya, c'est le but. Alors, l'homme est comme Dieu. Il n'y a plus en lui de mauvaises pensées, il n'est plus esclave d'aucune passion. Il est devenu amour, sans émotion, sans désir. Il est. Cet être silencieux est vaste comme un ciel sans nuages et sans vent. Un nuage ne peut se former sans un souffle de vent. De même, une passion ne peut naître sans un mouvement de pensée. Alors, psychologie de l'ascèse, oui, ça, il réfléchit, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Entre ces deux extrêmes, donc, l'excès ascétique ne faire aucun effort, il y a un juste milieu à trouver. Pour cela, nous allons explorer en profondeur l'ascèse excessive, puis définir en quoi consiste l'ascèse juste. Et là, ce qui m'importait, c'est comment l'ascèse juste, c'est comment se désidentifier du corps sans le malmener. Et donc ainsi, chercher quelles sont les causes qui, dans la tradition chrétienne, ont particulièrement favorisé l'ascèse violente. Bon, ça m'intéresse moins, mais effectivement, il réfléchit à ça. Une ascèse courante dans le monachisme oriental est celle des larmes. Pleurer diminue le sens de l'ego, la tendance à la colère et au désir. Ouais. Les hommes pleurent moins, hein. C'est pour ça que les larmes devant l'être aimé sont souvent très importantes. Ouais. Est-ce que là, il n'y a pas conscience de quelque chose? On a envie de consoler quelqu'un qui abandonne l'ego. Alors, on peut le dire à plein de niveaux, mais... On se désarme, là. On se désarme. L'ascèse juste. À mon sens, l'ascèse juste consiste à accepter les souffrances qui viennent d'elles-mêmes. Et l'ascèse excessive consiste à s'en créer. Eh oui, on a assez de souffrances qui viennent, est-ce la peine de s'en créer? Un père disait, il ne suffit pas de renoncer à sa vie, il faut la haïr. À mon sens, ces propos sont la définition même de l'ascèse excessive. Voilà. Oula, là j'ai un gros passage encore. D'après la pensée indienne, la souffrance vient de l'ignorance. C'est donc par la compréhension qu'on peut y remédier. Voilà, c'est pour ça que je lis quand même. Ce que dit aussi le Dalai Lama, enfin tous les grands maîtres. Cette notion est en accord avec la psychologie moderne, d'une compréhension, viveka, qui n'est pas seulement intellectuelle, mais vécue profondément en méditation, quand même, oui, c'est là que, voilà, vient le lâcher-prise, le vairagya. Sur ce chemin-là, l'expérience du bonheur intérieur est un moment puissant. On demandait un jour à un ancien pourquoi l'âme revenait sans cesse aux choses transitoires et impures. Il répondit, c'est parce qu'elle n'a pas encore goûté la douceur des biens célestes. Qui l'a goûté cherche Dieu de tout son cœur. Qui ne l'a pas goûté revient rapidement aux choses impures. Oui. Il ne faut pas croire que le mélange de souffrance et de bonheur soit l'apanage de l'expérience des ascètes. Ceux qui sont pris par une passion amoureuse vivent aussi cet état-là de façon intense. De même, ceux qui font du sport de compétition souffrent beaucoup dans leur corps, mais ils y trouvent un plaisir, à se dépasser eux-mêmes. Et on pourrait défendre la thèse selon laquelle le mépris pathologique du corps est plus grave chez un alpiniste qui risque sa vie pour vaincre un sommet qui a déjà été vaincu 36 fois que chez un moine du désert qui jeûne parce qu'il trouve que cela lui donne un esprit plus léger. Ah, ça c'est intéressant, hein. Dans notre civilisation actuelle, on est tellement à l'opposé que, bon... Hein, le sportif, le dépassement de soi, toujours, mais... Celui qui s'impose une souffrance sans but apparent, pour le plaisir de l'âme et pas pour gagner ou faire de l'argent, ça c'est incompréhensible. Bon, j'espère qu'on va pas trop entendre les engins des voisins. La violence dans la 16 vient de la méconnaissance d'une loi fondamentale du psychisme. Alors ça c'est intéressant. La peur du désir redouble le désir. Et la colère contre sa propre colère redouble cette colère. À court terme, on peut faire violence à son mental et gagner, mais il se vengera par la suite d'une autre façon, comme un enfant battu par son père prend sa revanche de toutes sortes de manières à l'adolescence. Le psychisme fonctionne par l'alternance des opposés. Chercher à humilier l'ego de force ne fait que prouver qu'on a toujours un ego. Et oui, il faut un ego pour vouloir s'humilier soi-même. Et qu'il est fort, hein. Chercher à humilier l'ego de force ne fait que prouver qu'on a toujours un ego et qu'il est fort. Il y a un fond de manichéisme dans l'incapacité de dépasser les contraintes, comme par exemple dans le cas de ce moine du mont Athos qui disait « Le moine n'a d'autres ennemis que les démons. Prier pour eux est impossible. » Ce dualisme est lié psychologiquement à la difficulté de dépasser réellement le désir sexuel chez la plupart. Celui qui possède la perle de la chasteté ne peut être libre de la peur de se la faire voler par les démons, tant qu'il n'a pas atteint le sanctuaire de la tombe, c'est-à-dire le pays du repos. Voilà, là, c'est... On sent la violence, hein, on sent la violence des propos de ces pères, là. La colère entre les passions, signe d'un dualisme de débutant, doit être évitée. Et Isaac, le Syrien, conseille « Mieux vaut repousser les passions par le souvenir des vertus plutôt qu'en leur résistant. » Donc oui, je crois que, je ne sais pas si plus tard je vais trouver cette citation, mais il disait que il ne faut pas se concentrer sur le démon, parce qu'on devient ce à quoi on pense. Et ça, je rapproche ça effectivement des méditations bouddhistes où il faut au contraire se penser Bouddha. C'est la voie rapide, parce qu'effectivement, on se pense Bouddha, on agit en Bouddha. Si on veut lutter contre un démon sur lequel on se concentre, on devient un démon soi-même, ou au moins, on en imite les formes, on devient un guerrier anti-démon, ce qui revient bon, un peu au même. Dans la pensée traditionnelle, le corps correspondait à ce que Winnicott, là on passe à la psychologie, aurait appelé un objet transitionnel. Le corps est un objet transitionnel. Il serait comme ces vieux bouts de tissu sans guère de valeur auxquels le bébé s'attache de tout son cœur et de toute son âme et dont il refuse absolument d'être séparé. Voilà, le corps, pareil. Bon. Le paradoxe de la conscience et du corps est celui-ci. Il faut que la conscience descende dans le corps pour pouvoir comprendre comment elle y est attachée. Après seulement, elle peut penser sérieusement à s'en détacher. À ce moment-là, la désidentification n'est pas un affaiblissement, mais un renoncement, car elle permet de s'identifier au soi, à sa vraie nature. C'est dans ce sens qu'on répète dans le zen, aller au-delà du corps et de l'esprit. Ou que Vivekananda dit, ce sont ces gens stupides qui s'identifient avec le corps, qui gémissent piteusement. Faible, faible, nous sommes faibles. Il faut tenir le juste milieu, entre l'écoute et la maîtrise du corps. Si on n'a que la maîtrise sans l'écoute, on tombe dans la moralisation pure et dans le refoulement. Si on n'a que l'écoute et pas la maîtrise, on tombe soit dans l'hypocondrie, soit dans une sorte de pansexualisme qui fait plutôt régresser du point de vue spirituel. On revient alors à une centration sur soi, un égoïsme plat, que l'on observe parfois chez des gens qui ont fait 10 ans de psychanalyse. Non contents de courir après la satisfaction de leurs besoins conscients, comme la plupart des gens, ils courent en plus après la satisfaction de leurs besoins inconscients, et ne s'en sortent plus. Bon, c'est une critique intelligente de la psychanalyse, hein. C'est une critique qui n'est pas d'ailleurs... qui ne nie pas l'intérêt de la psychanalyse à proprement parler, mais c'est un des dangers. Voilà. Et c'est intéressant d'en courir après ses besoins inconscients. La compréhension profonde du paradoxe du corps permet de réconcilier les deux propos apparemment contradictoires de Nietzsche et de François d'Assise. Le premier, Nietzsche, disait à peu près cela dans le Zarathoustra. Ainsi parlait Zarathoustra, je crois. Il y a plus de sagesse dans votre corps que dans votre raison. Et le second considérait qu'il fallait traiter son corps comme frère l'âne. La sagesse qui monte du corps ne peut exister que parce que le corps est conscient. De même, quand l'âne est bien monté, son énergie est orientée par une conscience. Dans les deux cas, le but recherché de cette conscience-sagesse. Et non pas le corps comme une sorte d'objet de consommation, selon ce que souhaiterait un certain esprit du temps actuel. Ouais, je suis en plein là-dedans. Parfois, il faut savoir choisir entre l'esprit du temps et l'esprit tout court. Là, c'est Jacques Vigne qui parle. Hein. Le mental vital oscille sans cesse entre la peur et le désir. Ce n'est pas une question de péché, c'est sa nature d'osciller entre ces deux extrêmes. Comme le battant d'une horloge. Mais quand ce battant finit un jour, grâce aux pratiques spirituelles, d'osciller, et s'arrête enfin à sa ligne d'équilibre, ce qui correspond chez le méditant au rassemblement de l'énergie dans l'axe vertébral, Sushumna, alors la terre rejoint le ciel, l'espace rentre en fusion, et le temps est détruit. Ouais, c'est beau, hein ? Il faut du temps pour... Une première cause de la sèse excessive, et plus généralement de la souffrance qu'on s'inflige, c'est la colère retournée contre soi-même. Du point de vue psychologique, pulsions de suicide et pulsions de meurtre sont souvent intimement liées. En Inde aussi, les ascètes, Napasvi, étaient connus pour leur colère. Leurs victimes pouvaient être les nymphes illusoires qui venaient les tenter, et auxquelles ils avaient déjà succombé auparavant. Tant qu'ils restaient sujets au désir, ou à son revers, qu'est la colère, il ne pouvait atteindre la réalisation. Colère, désir. Deux membres d'un même couple. Alors, une explication simple de cette propension à s'attacher à la souffrance en tant que telle peut être l'inertie. Ce que l'on appellerait le tamas en psychologie indienne, ou le conditionnement simple en comportementalisme. Une expérience de psychologie animale est significative de ce point de vue. Un pauvre chien est attaché, il reçoit des décharges électriques. Ensuite on le détache et il reçoit les décharges dans une boîte dont il peut sortir en sautant. Mais curieusement, après avoir fait un rapide tour de la boîte, il préfère rester dedans, à gémir et à être électrocuté. C'est plus tranquille, quelque part, de rester docilement dans son enfer. Donc l'auteur de l'expérience, Seligman, l'a appelé la déréliction conditionnée. Conditioned helplessness. C'est terrible, ça. C'est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'on peut effectivement rechercher la souffrance par conditionnement, par simple habitude. L'accoutumance à un état désagréable ou à une souffrance avait été remarquée depuis longtemps. Et ça, c'est la suite. Le mot ascétisme vient du grec askésis, qui signifie exercice, dans le sens d'un exercice athlétique. Le bien-être qu'on ressent lors d'une pratique intensive du sport et pendant les quelques temps qui le suivent est lié à la production d'endorphines. Il est possible qu'il y ait un rapport avec certains types d'extase. Le jeûne, quant à lui, favorise la production d'adrénaline, destinée à compenser la baisse de sucre dans le sang. Cette adrénaline est aussi augmentée chez les gens qui écoutent constamment la radio ou de la musique. Cela explique qu'ils se sentent déprimés quand ils se retrouvent par hasard dans une ambiance silencieuse. Les anorexiques mentaux. Alors moi, attention, dans mon métier, je vais tout le temps en communication et pareil. Ressentir une déprime au silence. Et un silence que je souhaiterais probablement de temps en temps et qui me rendra triste. Les anorexiques mentaux, qui ne mangent presque pas, ont un dynamisme paradoxal pendant longtemps, qui masque l'affaiblissement du corps. La privation, nazaréate, d'eau, qui semblait très importante chez les pères, peut provenir de la volonté de raréfier les mictions, le désir d'uriner ayant à peu près la même localisation que le désir sexuel. Il pouvait être lié également, chez des habitants du désert, à une sorte d'entraînement de survie, analogue aux pratiques du feu intérieur chez les Tibétains, qui vivaient tout l'hiver dans un froid rigoureux. La privation de sommeil provoque un afflux onirique durant la veille et favorise donc ce qu'on pourrait appeler des visions à bon marché. Cependant, pour quelqu'un qui sait méditer, cet afflux d'images peut accélérer le processus de purification de l'inconscient, si toutefois il ne s'endort pas pendant sa pratique. D'autre part, les érections réflexes qui ont normalement lieu durant le sommeil ont tendance à se produire pendant la veille. Ouais, moi j'ai toujours vu que quand je m'assoupissais, bizarrement, effectivement, c'était le cas. Alors quand ça t'arrive au boulot, à la messe, bon j'ai peu pratiqué la messe, mais enfin quand même, les mariages et autres, ou quand t'es en train de, voilà, d'être spectateur de quelque chose qui est pas du tout, c'est surprenant. Alors, ce qui pose problème pour un moine est qu'il peut interpréter dans un contexte chrétien comme une des attaques démoniaques. Tous ces faits doivent amener à considérer avec prudence les propositions de retraite intensive avec privation de sommeil importante que l'on voit fleurir actuellement, au moins pour les gens fragiles psychiquement. Il faut les contre-indiquer pour ceux qui ont des antécédents d'hallucination. Ouais, bon. Un petit passage. Austérité et pouvoir. En Inde, le lien entre austérité et pouvoir est clair, mais ces derniers sont décrits comme des obstacles à la libération. Voilà, le pouvoir est un obstacle à la libération. Et l'austérité aussi. Les moines savaient aussi cela, mais recherchaient quand même, pour nombre d'entre eux, des formes subtiles de pouvoir. Cette ambiance de lutte quasi manichéenne entre l'orthodoxie d'un côté et les païens et les hérétiques de l'autre n'est pas pour rien dans les souffrances des pères. Elle s'est répercutée en miroir dans leur psychisme sous forme de combat avec les démons et de dualité insurmontable entre le bien et le mal. Ascèse et solitude. La vie solitaire favorise l'intensification des phénomènes mentaux. Elle est une caisse de résonance, comme me disait le maître des novices de la Grande Chartreuse que j'avais été visiter. Au bout d'un certain temps, survient un véritable éveil de ce que les sages de la tradition hindoue appellent la kundalini. L'esprit du moine, qui avait été relativement paisible jusque-là, peut alors être traversé par toutes sortes de désirs et de pulsions violentes. Dans un contexte dualiste, cet éveil est interprété comme une attaque des démons. En fait, il faut apprendre à canaliser ces énergies, ce que le yoga ou la méditation aide à faire. Oui. Une autre cause de l'épaisseur du solitaire est tout simplement le vide de son emploi du temps. Les pas 16, c'est quoi exactement? C'est la 16 excessive? Bon, je ne sais plus. Pour occuper son mental, le moine se crée des exercices ascétiques de plus en plus étranges, qui consistent, entre autres, à se préoccuper de tout ce que les démons vont pouvoir inventer ou calculer contre lui. Chez ceux qui ont une tendance obsessionnelle, le temps libre intensifie les symptômes. L'ascèse devient alors un but en soi, qu'on appelle obsession dans le langage psychologique ou idole dans le langage religieux. La lutte contre les démons procure de plus en plus une excitation qui permet de contrer l'ascédie. Alors l'ascédie, c'est la dépression des moines. Quand on regarde des enfants seuls et désœuvrés, on les voit souvent jouer à se battre contre des ennemis imaginaires. Et ils semblent y trouver un grand plaisir. Je ne dis pas que ce rapprochement explique tout du phénomène des démons, mais elle permet de comprendre certaines choses. Il est rare qu'un père suggère que les conflits intérieurs soient d'origine psychologique. Il semble plutôt, dans l'ensemble, souscrire à l'interprétation démonologique. Ce manichéisme mitigé, que nous avons déjà évoqué, est loin de la pensée de l'Inde. Le soi individuel et le soi absolu est d'ailleurs rendu en sanskrit par un seul et même mot, Atman, qui ne voit dans les pensées que des tourbillons, des vritis, dans cette eau qu'est l'absolu. Quand le tourbillon cesse, seul l'absolu demeure. Alors, une citation suivante sur l'angoisse et la grâce. Alors, si on va à la racine des choses, la notion même de dualité entraîne l'angoisse. La Taittiriya, Upanishad, dit 2-7. En vérité, cette essence cause le bonheur. Quand on s'établit sans peur dans ce qui est invisible, dépourvu de corps, non défini, sans base, alors on a réellement trouvé l'absence de peur. Mais si on y fait la moindre différence, on se met à avoir peur. Dans la conception biblique, il n'y a pas seulement une cavité dans l'un, L'UN, U majuscule, mais une faille, un précipice entre substance humaine et substance divine. Il n'est franchi que par le pont-levis de la grâce, de temps en temps abaissé, de temps en temps relevé. Cette dualité représente une sorte de projection, de consécration métaphysique de la séparation due au péché originel. La croyance en la substantialité du corps et de la personne humaine est peut-être ce qui rend l'ascèse chrétienne plus laborieuse que l'ascèse orientale. En effet, le pratiquant se trouve devant un message contradictoire, une sorte de double lien. Alors là, il faudrait traduire double lien, c'est le double bind. C'est donc qu'on est pris dans des contraintes contraires. Alors il explique, une sorte de double lien. Au fond, on lui demande de croire en la substantialité d'un ego qu'il faut par ailleurs faire disparaître complètement pour laisser la place au divin. La grâce d'un Dieu entièrement bon peut aider dans ce travail, mais elle est accompagnée par son ombre, l'absence de grâce, dont les raisons nous échappent. En ce sens, on peut dire que l'ombre de la grâce, c'est l'absurde et l'angoisse. On pourrait même rajouter que ça peut être assimilé au diable, en fait. Enfin bon. La non-croyance en la réincarnation participe également de façon non négligeable à l'angoisse du chrétien. Il doit non seulement faire le pari qu'un au-delà existe à la manière de Pascal, mais il doit aussi faire un second pari, celui de croire que son au-delà individuel sera le paradis et non l'enfer. Si un malin s'amusait à faire le calcul des probabilités, il trouverait qu'il n'y a que 25% de chances que ça marche. Ah oui, il faut un au-delà et espérer que c'est un paradis. Oui, ça c'est vraiment des maths pour rien. Un vieil évêque disait en riant à l'une de ses connaissances « Je comprends mieux la réincarnation des orientaux maintenant. C'est vrai qu'une vie pour atteindre la perfection, c'est court. » Les ermites taoïstes et bouddhistes, tels que nous les décrit Michel Jourdan dans « La vie d'ermite », semblait avoir une ascèse plus intégrée à la nature. Il recherchait l'harmonie avec la loi naturelle et la conjonction des contraintes. Ce dernier point semblant manquer cruellement à l'ascèse du désert. J'ai lu une grande partie de la transmission de la lampe, le texte de base du bouddhisme Chan. On n'y parle pas de larmes ni de repentir. Les maîtres sont rudes, mais les histoires qui y pullulent semblent dépasser bien, bien plus souvent qu'en Occident le niveau de la simple moralisation pour donner un enseignement essentiel de manière imagée. La dureté de la cesse du désert était tempérée par un rapport profond et personnel avec un ancien. Cependant, la vie cénobitique a fait perdre la priorité à cette relation. Les moines se sont mis à apprendre de l'un ou de l'autre, ce qui était un facteur de dispersion dans leur pratique. Le concept d'obéissance à un maître spirituel dépourvu d'ego fut remplacé par la notion de discipline sous la férule d'une administration, d'autant plus lourde qu'elle estimait être de droit divin. Or, abandonner son ego entre les mains de quelqu'un qui n'en a pas a une profonde efficacité spirituelle. Mais l'abandonner à une institution qui, en tant que telle, a un fort ego est non seulement moins efficace, mais peut-être dangereux. Alors ça, c'est intéressant, hein. Ça, j'ai trouvé. Bon. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends dire qu'il faut, en fait, finalement, l'art d'avoir un maître, tout l'aide d'avoir un maître, c'est d'abandonner son ego entre les mains de quelqu'un qui n'en a pas. C'est quand même bien, hein, pour dissoudre le sien. Oui, encore des citations. Le Bouddha disait, il y a une voie hors de la souffrance. Il a été droit au fait. Le but d'une discipline spirituelle n'est pas d'ajouter de la souffrance, mais de mener hors de la souffrance. Chaque voie a sa spécificité. Dans la dévotion, on cherche à diminuer le plus possible son ego devant le divin. Dans la voie de la connaissance, on s'identifie directement à lui. Le risque de la dévotion, c'est la dépendance et l'affaiblissement. Celui de la voie de la connaissance, c'est l'orgueil. Donc, il y a la dévotion. Donc, on veut diminuer son ego. Mais on est en dépendance, on est affaibli. Parce qu'en fait, on est en dessous de ce pourquoi on a de la dévotion. Et de l'autre côté, la voie de la connaissance, là c'est une voie où on veut s'identifier à Dieu ou à Bouddha. Ici c'est Bouddha, oui, effectivement. Mais là c'est l'orgueil. Et c'est marrant parce que c'est la voie rapide, je crois, ça. C'est où on se pense Bouddha pour être plus rapidement. On habitue son esprit à être un Bouddha. C'est la voie rapide. Mais il faut être prêt pour ça, effectivement, faut pas tomber dans l'orgueil. Dans tous les cas, on devient ce qu'on médite. Alors ça. En ce sens-là, la rumination indéfinie des péchés passés ne peut que faire redescendre. Ouais, alors ça, les chrétiens, ils devraient en prendre de la graine. Il faut comprendre que la culpabilité est souvent entretenue par la jouissance venant du fait de repenser au bon temps qu'on a eu en faux temps auparavant. Quant aux démons, il s'agit de formes subtiles qui n'ont ni plus ni moins de réalité que notre mental lui-même. Si on les appelle sous prétexte de les combattre, ils vont venir pour de bon. La méditation sur la souffrance en tant que souffrance n'a guère d'intérêt. Même un jésuite comme le père Kadowaki, qui a écrit sur le zen et la Bible, le reconnaît. Une autre citation, on saute de passage. En dehors de la nécessité sociale évidente d'une certaine discipline sexuelle, intéressant. Il y a, dans le lien entre religion et sexualité, la prise de conscience que les racines de cette dernière sont à la base du mental. Les racines de la sexualité sont à la base du mental. Là, c'est freudien. C'est intéressant. Comprendre ses racines, C-E-S, c'est comprendre le mental. On peut dire schématiquement qu'une maîtrise consciente de la sexualité par la méditation et non par le refoulement est proportionnelle à la capacité d'intériorisation. Oui, d'accord, une capacité d'intériorisation. Oui, enfin, d'accord. Évidemment, certains, comme Drewermann, disent en substance que la chasteté à long terme n'est plus possible en Occident actuellement. Je pense qu'il a raison dans son analyse des multiples manières de récupération de la chasteté par le système ecclésiastique. J'espère aussi, comme lui, que les prêtres devraient avoir la possibilité d'être mariés, comme dans le protestantisme, l'orthodoxie et les autres religions. En revanche, je pense, à l'opposé de Drewermann, que certains êtres, en général des moines, peuvent réellement transmuter l'énergie sexuelle en énergie spirituelle et réaliser l'union du masculin et du féminin en eux-mêmes. Si l'on parvient à reconnaître un bonheur intérieur dépourvu de toute connotation érotique, cela signifie qu'on est proche d'une joie complètement indépendante et donc parfaitement stable. Je ne dis pas que cette démarche est facile, mais on pourrait l'apprendre auprès d'un maître spirituel qui a réussi dans cette voie plutôt que par les livres. Les hindous attachent une grande importance à la chasteté pour obtenir une montée de Kundalini stable. Pour eux, il est évident que ce processus est lié au développement de la force intérieure, Kundalini Shakti. Il est intéressant de noter que le nom de la tradition grecque donne à la continence sexuelle, est Ankrateia, littéralement la force au-dedans, sens finalement très proche d'énergie ou d'enthousiasme, ce dernier mot signifiant Dieu au-dedans. Je comprends l'attitude de thérapeute de Drewermann, qui, voyant des patients coincés dans un célibat qui ne leur correspond plus ou qui ne leur a jamais correspondu, leur dit « mariez-vous ». Mais parfois la fascination du changement représente aussi une fuite. Quand j'étais moi-même thérapeute, un grand nombre de mes patients étaient centrés sur leurs problèmes de couple. Il est vrai que ma première réaction intérieure était d'avoir envie de leur dire « laissez tomber cette relation et vivez seul, vous verrez qu'on n'en meurt pas ». Cependant, la meilleure solution est, dans la plupart des cas, d'essayer de faire vraiment face à son problème, là où on en est, et tel qu'on en est, et de ne pas fuir. Ouais, ce que je fais en changeant de métier. Mais bon, il faut être en phase avec soi-même aussi. Hein, je suis pas un sage, alors puisque j'y arrive pas. Par ailleurs, Drewermann met au pinacle la méthode psychanalytique, et il est évident par cela qu'il n'a pas vécu comme je l'ai fait dans un milieu psy. Les querelles d'église, de chapelle et de sous-chapelle n'ont certainement rien à envier au système de pouvoir ecclésiastique. Par ailleurs, bien qu'il paraisse ouvert à l'Orient, il ne parle guère des diverses techniques de méditation comme instrument pour explorer son mental. Il mentionne juste que le zen est pratiqué dans un certain nombre de monastères. Pourtant, il semble que pour les clercs qui ne sont pas trop perturbés, le recours à des techniques psychocorporelles de méditation convienne mieux que la psychanalyse. Cette dernière repose sur des préjugés matérialistes, même Jung ne s'en dégage pas tant que cela, alors que les méditations traditionnelles partagent des communautés de vues avec le christianisme sur de nombreux points essentiels. J'aurais bien aimé qu'il détaille un peu plus les préjugés matérialistes de la psychanalyse. Drewermann, comme souvent les thérapeutes, voit les choses à travers les lunettes de sa clientèle, c'est-à-dire de prêtres et de religieuses, qui ont des problèmes. Les moines qui réussissent dans leur vie de moine n'ont aucune raison de venir le consulter. Mais oui. Alors, que dire de la cesse dans le monde d'aujourd'hui? Je ne suis pas un enseignant spirituel. Aussi, je renvoie chacun à la voie et à l'enseignement qu'il suit. La seule remarque que je voudrais faire ici, ayant parlé de la spiritualité du désert, est d'ordre psychologique. Avant de rêver de faire partie des expériences dans un vrai désert, il serait bon d'apprendre à filtrer le bruit qui nous vient de l'extérieur, en particulier par des informations à sensations véhiculées par les médias. Il y a là une pollution mentale considérable. J'espère que cette notion de pollution mentale émergera très prochainement dans le public, de même que sont ressorties les notions de pollution sonore ou de diminution de la couche d'ozone. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire de notre intérieur un désert. En revanche, on peut en faire un parc naturel où notre propre nature peut être protégée et se développer d'elle-même à l'abri de l'invasion désordonnée d'éléments extérieurs. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu ma drogue, moi, de l'alimenter par des... Alors pas forcément des choses sans valeur, mais... Enfin, sans valeur dans notre système à nous, mais je me suralimente et j'ai du mal à rester dans le vide. Bref. Alors là, j'ai une citation très courte. Les pères disent: quand tu ressens la joie au-dessus de toute joie, sache que tu es dans la vraie prière. Bon, bah, je le saurai. Hein. Retour à l'action après l'ascèse et le silence. Je ne pense pas que ce travail de comparaison entre hésychasme et Vedanta soit utile pour ceux qui ont déjà avancé sur le chemin. Comme dit un proverbe japonais, si tu sais ce que je sais, nous n'avons plus besoin de parler. J'adore. Par contre, pour ceux qui cherchent à comprendre les similarités et les différences entre les diverses voies spirituelles ou qui ont peur d'accepter que ces dernières mènent au même but, ce travail pourra être utile. Alors moi j'ai pas peur que ça mène au même but, hein. Mais je voudrais comprendre là où je vais et puis comment en gros. Bouddha, selon Bouddha, l'homme idéal est celui qui trouve au milieu du silence ou de la solitude la plus complète, l'activité la plus intense, et qui au milieu de l'activité trouve le silence et la solitude du désert. Il a appris le secret de la maîtrise de soi, il s'est contrôlé. C'est beau ce que tu dis. Dans la tradition indienne, il est clair que le renonçant, sannyasi, abandonne l'action rituelle. Sa méditation sur l'un est au-delà de tout rite. Voilà, ça c'est le dernier niveau, ça m'avait frappé, ouais. À la fin de la fin, il n'y a plus de rite. On dépasse ça. Alors je voudrais quand même faire un... donc rappeler que c'est un petit bouquin de 200 pages avec une bibliographie sublime. Bon. Que à peu près les 3/5 du bouquin sont effectivement reliés au sujet marcher, méditer. Mais qu'en ce qui concerne le reste, qui n'est pas la partie la moins passionnante, peut-être la plus fouillée, on est plus dans de la spiritualité pure et simple. Hein. Marcher, même méditer, on en parle, mais il en parle, Jacques Vigne, mais il en parle moins. Bon, voilà. Mais enfin, c'est pas pour ça que c'est moins intéressant, c'est exactement ce que je cherchais. Donc je trouve ça très très bien. Mais c'est assez érudit, faut reconnaître la dernière partie de Jacques Vigne. C'est, d'ailleurs, bon, on le voit aux citations, c'est un petit peu voilà, un petit peu fort. Moi, il faudrait que je repasse la bibliographie et décider des sujets sur lesquels je pourrais creuser. Voilà. Donc c'est tout pour Marcher, méditer. Un grand petit livre.